Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Donner de la voix, votre émission engagée et citoyenne sur Fadjet 94.2. Donner de la voix, c'est votre nouveau rendez-vous de l'été sur Fadjet qui vous donnera à entendre des membres d'associations de votre région pour vous donner envie de vous engager. Et aujourd'hui, ARS Antigone, association de soutien aux personnes prostituées et de lutte contre les addictions, avec Vincent Corrier, assistant de service social. Bonjour Vincent Corrier. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter quel est le projet de l'association ARS ? Alors, l'ARS, autrement dit Accueil et Réinsertion Sociale, est une association qui fonctionne sur le bassin du Grand Nancy, entre autres, qui est en charge d'accomplir un certain nombre de missions sur le thème du social. Il peut s'agir d'accompagnement à la santé, d'hébergement, d'accueil des demandeurs d'asile. Voilà, donc une grosse association avec une multitude de missions différentes. Oui, c'est-à-dire que votre ARS dépasse la simple mission d'Antigone. Antigone, c'est tout une branche. Le service Antigone, c'est un service social qui fait partie de l'association ARS. Et plus spécifiquement, donc sur Antigone, quelles sont ses missions ? Donc, comme vous l'avez dit précédemment, la mission principale, c'est l'accompagnement des personnes prostituées, notamment un accompagnement à la santé et administratif, pour veiller à ces personnes en risque de prostitution ou en situation de prostitution, ou même ayant été prostituées, puissent trouver un soutien, porter mieux, voilà, tout simplement. Dans cette aide, est-ce qu'il y a aussi du soutien psychologique ? En tout cas, nous, on ne s'en occupe pas directement. On délègue aux professionnels de santé qui sont en capacité de gérer cette question-là. Et où est-ce qu'on peut vous trouver à Nancy et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations ? Vous avez un site internet ? Écoutez, oui, il suffit de taper Ars Antigone et vous arriverez à tomber assez facilement sur notre descriptif de mission. Et quant à notre bureau, il se situe 10 rue Mazagran. Il est aussi très accessible et nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h. Voilà. Par la suite, sur un sujet qui est aussi crucial, mais qui peut aussi être dissimulé, ou en tout cas que les gens peuvent ne pas vouloir voir, celui de la prostitution, quelles sont vos relations avec les Nancéens en général ? Est-ce qu'ils perçoivent votre engagement ? Et s'ils le perçoivent, comment réagissent-ils ? Le point de départ et le premier contact, généralement, se fait au cours d'une sortie de nuit, une fois par semaine. Nous allons au contact des personnes prostituées sur les lieux de pratique. Nous sommes équipés d'un camion qui permet de faire un accueil et nous donnons des moyens de protection, tout simplement des préservatifs, du gel. Et nous sommes aussi amenés à leur expliquer donc qui nous sommes, donc travailleurs sociaux. Parce qu'elles ne vous connaissent pas, ces personnes. Non, globalement, quand on arrive vers elles, les nouvelles personnes sont parfois accompagnées de plus anciennes, donc qui nous connaissent, le contact se fait assez facilement. Quand il s'agit d'un premier contact et que la personne est plutôt isolée sur la rue, on va vers elle de façon très simple. Et je dois préciser aussi que pour éviter toute crainte de leur part et tout malentendu, nous travaillons donc le soir en mixte, donc c'est-à-dire que généralement je fais toutes les sorties de nuit et je suis accompagné ou de ma collègue éducatrice spécialisée ou de ma collègue infirmière. Voilà, donc en arrivant un homme, une femme, la personne que nous rencontrons se sent, en tout cas on l'espère, un peu moins mal à l'aise que si ce n'était pas le cas. D'accord, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une crainte de la part de ces personnes en vous voyant. Bien sûr. Et comment est-ce que vous, Vincent Corrier, vous êtes arrivé à la conclusion qu'il vous fallait vous engager et pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce secteur-là, dans ce domaine-là ? Alors, ça fait maintenant plus de 14 ans que je travaille pour ce service. Auparavant, j'avais travaillé dans des foyers de l'enfance, donc auprès d'un public plutôt enfant ou adolescent. Et le point de départ de cette envie de travailler dans le secteur social me vient du fait de mon grand âge, lors de ma période de service militaire, en l'occurrence auquel j'ai échappé en faisant un service civil. Et donc j'ai passé 10 mois à travailler dans une mission locale et au CIDJ. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'engager dans le secteur du social. Et ensuite, pour le choix du service Antigone, j'ai toujours été intéressé, passionné même par l'étranger, par les voyages, par les langues. Et donc, c'est plutôt une attirance vers l'inconnu et vers les populations étrangères qui m'a poussé à postuler au service Antigone. Voilà. Parce que on rappelle juste un chiffre du ministère des familles, de l'enfance et du droit des femmes sur les personnes prostituées en France, qui sont environ 30 000, 85% sont des femmes et 93% sont étrangères. Donc ici, vous retrouvez... Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Effectivement, il y a une très grande majorité de femmes étrangères, mais il y a aussi des Françaises qui se prostituent. Bien sûr, c'était pas exclusif, hein, évidemment. Non, 93%, c'est pas le chiffre qu'on a à Nancy. Voilà. Mm-hmm. C'est moins que ça. Ouais. Ce serait plutôt de l'ordre de entre 75 et 80%. D'accord. Et vous, quand vous avez décidé de vous engager de cette façon-là, est-ce que vous aviez conscience de ce que cela impliquait, notamment en termes de danger dont vous m'avez parlé dans la préparation de l'émission? Et c'est quelque chose qui m'a tout à fait surpris. Mais la notion de danger, c'est pas moi qui suis en danger. Hein. Très honnêtement, je ne me suis jamais senti en danger, que ce soit lors des sorties de nuit ou alors lors de l'accompagnement des personnes. Simplement, je pense qu'il doit prédominer une notion de prudence, voilà, dans notre activité. Donc prudence notamment par rapport aux informations que l'on peut récolter sur la situation des personnes, c'est-à-dire garder complètement à l'esprit la nécessité du secret professionnel. C'est-à-dire que ces personnes vont nous confier des choses sur leur famille, sur leur santé, sur les risques, elles, qu'elles prennent, pour certaines, leur situation de victime de la traite des êtres humains. Donc, c'est des choses qui les mettent, elles, en danger. Donc, moi, le minimum que je puisse faire, avec, bien sûr, mes collègues, c'est de respecter voilà, le risque qu'elles prennent en me parlant. Bien sûr. Et lorsque vous vous rendez la nuit, est-ce que vous êtes amené à rencontrer plusieurs fois les mêmes personnes, et est-ce que au fil du temps vous sentez qu'il y a une relation de confiance qui se crée? Est-ce qu'elles se sentent plus à l'aise? Oh oui, en fait l'idée c'est d'être toujours présent, donc ce qui permet de pas seulement de faire du contact mais de créer du lien, c'est de leur garantir que nous serons là sur le terrain la nuit une fois par semaine toute l'année. Voilà, donc déjà, lorsque l'on revient régulièrement, qu'on se revoit, ça permet d'instaurer voilà, un dialogue, et ensuite, pourquoi pas un lien, après de confiance, je sais pas, mais en tout cas, un lien qui permet de travailler. C'est-à-dire, voilà, la personne prostituée pourra s'exprimer sur une difficulté qu'elle rencontre, et nous demander un soutien. Est-ce que ces personnes viennent à vous? C'est-à-dire que vous venez les voir la nuit, mais est-ce qu'elles peuvent se rendre dans vos locaux? Elles viennent à nous directement aussi, puisque quand on les rencontre pour la première fois, on leur donne voilà, notre numéro, la carte du service, l'adresse, voilà, en leur expliquant que le bureau est ouvert voilà, toute la journée. Elles peuvent passer quand elles le veulent. Après, certaines personnes sont rencontrées pour la première fois directement au bureau, c'est-à-dire qu'elles ont entendu parler de nous par leurs collègues, compatriotes, voilà. Et donc, elles viennent directement chez nous pour demander de l'aide. Alors parfois, je dois dire que je la refuse, puisque la condition de notre accompagnement, c'est que les personnes aient un lien avec la prostitution. Voilà, à un moment, on a eu une période où les femmes d'une certaine nationalité venaient directement pensant qu'on était, on aidait toutes les personnes de cette nationalité, c'est-à-dire hommes, femmes, peu importe l'âge, voilà. Donc dans ces cas-là, j'essaye de savoir un peu, sans être trop intrusif, si la personne vient parce qu'il y a un lien avec la prostitution, pas du tout. D'accord. Et donc, au sein de votre association, il y a aussi un volet pour la lutte contre les addictions, mais c'est vous vous en occupez de manière indirecte. Vous êtes pas vous êtes principalement sur l'aide sociale. Moi, je suis totalement sur l'accompagnement des personnes prostituées. C'est ma collègue Betty Bourgeois qui s'occupe de la question de la lutte contre les addictions, notamment en recevant en entretien des personnes voilà, qui ont été interpellées. On a pu voir au cours de cet entretien, Vincent Corrier, que vous avez choisi de vous engager du fait de votre attrait pour l'inconnu et pour ce qui finalement pouvait vous toucher de façon indirecte. Donc vous avez voulu comprendre et voir pour finir par aider autrui. Et pour conclure cette émission, car c'est déjà la fin de cette première édition, qu'est-ce que l'engagement citoyen pour vous ? Ben, l'engagement citoyen pour moi, c'est d'avoir la volonté de mettre en œuvre, ou en tout cas de se donner les moyens de parvenir à réussir ce que l'on a envie de faire, c'est-à-dire tout simplement d'imaginer qu'on puisse avoir un tout petit rôle à jouer pour améliorer la société. Voilà, en étant évidemment très humble, mais voilà, c'est ne pas s'interdire d'essayer. Voilà, tout simplement. Eh bien, c'est très clair. Quand vouloir, c'est faire. Merci beaucoup, Vincent Corrier. Merci à vous. C'était la première édition de Donner de la voix, votre émission citoyenne et engagée sur Fadjet. Je vous remercie pour votre attention et je tenais à remercier Alexandra et Valentin à la technique aujourd'hui et bien sûr Yves et Fabienne qui m'ont donné leur confiance et ce micro. Bonne semaine engagée à tous. Donner de la voix sur Fadjet, présenté par Augustin.